tout enrichi de marbre et de porphyre. Qu'Amour bâtit château de son empire, où tout le ciel a mis son artifice. Est un rempart, un fort contre le vice, où la vertu maîtresse se retire, que l'œil regarde et que l'esprit admire, forçant les cœurs à lui faire servir. Peut approcher de la porte. S'il est grand il n'a sauvé sa race. Victorieux, vaillant et amoureux, nul chevalier tant soit aventureux tel ne peut gagner la place.